Legacy. Télémode à l'instant, Vestrodi, c'est le remix signé Fred Rister. Restez bien calés, tout à l'heure on vous parlera des prochaines soirées à venir pour le réveillon, le fameux réveillon de Noël. On vous fera aussi gagner tout à l'heure dans un quart d'heure les passeports pour l'Escape Concept ce lundi 24 décembre. Donc restez bien calés, voici tout de suite Crazy People. One Galaxy. Alanis Morissette d'un instant sur les ondes intergalactiques. Ne bougez pas, on se retrouve juste après ces quelques informations de proximité. Les marchés de Noël, l'édition 2007, se poursuit jusqu'au 24 décembre sur la place Jean de Vinquier de Waterloo. Chaque après-midi, à partir de 14h30, vous y retrouvez chalets artisanaux, manèges et de très nombreuses animations pour petits et grands. En clôture, comme chaque année, le 24 décembre, le Père Noël descendra en rappel le clocher de l'église Saint-Maclou et distribuera moult friandises. Plus d'infos, Office de tourisme Waterloo, 03 20 75 85 86 ou sur ville-waterloo.fr. Disco Vacances présente le Cirque de Moscou sur glace ce samedi 15 décembre à 20h30 à l'île Grand Palais. Au programme, jonglage, contorsionniste, duos aériens, barus, monocycle, poupées russes, etc. Sans oublier ceux sans qui le cirque n'existerait pas, les clowns représentés par les fameux Dimitri Polyakov et Andriy Kolobov. Réservation, point de vente habituel de votre ville, infoline 03 20 44 29 78. L'association Crescendo organise une grande soirée dansante, Night Fever, sur le thème des années 70, 80, 90, ce samedi 15 décembre, à la salle des fêtes de Vendrechy. Infoline 06 73 53 04 53 ou sur samuel.canard@numericalm.fr. Deuxième rencontre du tournoi de Bourg-le Détroit-Saint ce samedi 16h au Bon Fraisier de Waterloo. Une rencontre organisée par l'entraide sportive waterloosienne qui vous permettra d'encourager les équipes de la Saint-Liévin face à celles de Saint-Joseph. Plus d'infos, 03 20 75 85 86. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com. We've got the music. You've got the style. This is Galaxy. Merci Stéphane, on te retrouvera bien sûr tout à l'heure. On va faire tout de suite un petit point du côté des soirées qui auront lieu demain soir à l'Escape Concept pour la fameuse X My Style avec Philippe Tracos, Back to 55, Dimothée Milton, Back to KGB avec les résidents Dave, Luc, Kevin et Huggy Anton. Et tout de suite, vous allez sur le stand, vous allez au téléphone, vous faites le 03 20 83 56 57. Voici tout de suite les premiers passeports justement pour ce lundi 24 décembre à l'Escape Concept. Sébastien Léger par excellence avec Disco Volante. Il me reste encore des places pour l'Escape Concept ce lundi 24 décembre. Vous appelez tout de suite le 03 20 83 57 57. Les plus rapides seront les plus récompensés. Pascal Monti sur Galaxy. Jazz à l'instant avec le titre Freak. On va faire un petit peu d'ambiance dans les oreilles. Voici tout de suite l'une des dernières nouveautés de cette fin d'année, c'est Bukovina. Un petit peu d'ambiance dans les oreilles. Yeah. L'artiste incontournable de cette année 2007, John Dalbach avec le titre Blink. On poursuit tout de suite avec Prida avec le titre Europa. ho ho, ce n'est pas le Père Noël, mais Kauna derrière le micro de Galaxy pour vous annoncer que nous allons passer le réveillon de Noël ensemble. Au programme, Mondays version classique avec David Durier du label Brique Rouge pour une session old school. Suivi du top rétro des auditeurs. Et oui, c'est toi qui vas voter pour ton titre préféré. Alors rendez-vous sur le MySpace de Galaxy ou le forum. Et pour terminer, je prendrai les platines pendant une petite heure pour un mix où les Daft Punk croiseront Michael Jackson pendant qu'Emmanuel Top attend Carl Craig. Quand ? Lundi 24 décembre, 21h, 1h du matin. Pourquoi ? Parce que Kauna présente Mondays Radio Show chaque quatrième lundi du mois. Merry Christmas. Merry Christmas on Galaxy. Non. dans une ambiance festive à l'instant, c'était Rio, il est 11h et quelques minutes, passées de quelques minutes, il nous reste une petite heure à passer ensemble, on va la terminer en souvenir avec un spécial rétro. Voici tout de suite pour commencer, Selvin Rotan avec Andrew Bricks. Voici Piano Oferia. Christmas on Galaxy. bienvenue à bord de Party After par Pascal Mancini ce dimanche sur Galaxy. Christmas on Galaxy. Ça me fait toujours plaisir de vous le diffuser à l'instant. C'était Jotté Vanelli avec la voix de Sia pour Play Wins The Voice. Pour vous remercier de votre fidélité, vous appelez tout de suite le standard de Galaxy 03 20 83 57 57 et je vous offre des places pour l'Escape Concept. Ça sera lundi 24 décembre pour le réveillon de Noël avec Philippe Tracoz, Back to 55, Timothée Milton, Back to GGB avec bien sûr Dave Lee, Kevin et Huggy Anton côté résident. that's worth nothing else but love. Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. Something cool and it should be over. Cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song. A loving memory after long. Home is a place where I yearn to belong. Something cool and it should be over. Cause I long. Avec le titre Homme, on poursuit tout de suite avec le Superman Lover, la pochette jaune. Thank you. excellent souvenir à l'instant avec Superman Lover. Ne bougez pas, on retrouve tout de suite Stéphane Laroche pour les informations de proximité. Merry Christmas on Galaxy. La Croix-Rouge française poursuit son opération Un enfant, un jouet, un sourire jusqu'à la fin de l'année. Merci donc de déposer vos jouets et cadeaux dans les caddies situés à l'entrée des magasins. Ils seront ensuite distribués aux enfants défavorisés lors d'une grande fête de fin d'année. La liste des grandes surfaces et magasins participants sur votre lot est disponible en appelant 0320 02 81 72. Conférence du club ensemble, Noël et ses symboles, par M. Bernard Fousset, à la maison de l'éducation permanente, 32 rue Jean Castel, lundi 17 décembre à 14h30. Renseignements auprès de M. André François, 03 20 26 87 15. Exposition Passage du Temps, à découvrir actuellement jusqu'au 1er janvier, au Tripostal de Lille. Après le succès de Bombrisée de Lille, retrouvez les vidéos, photographies et sculptures à travers de cette formidable traversée des grandes œuvres des années 70 à aujourd'hui, par l'intermédiaire de 39 artistes invités. Renseignements www.lille3000.com ou 03 59 57 94 00. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. We've got the music. You've got the style. This is Galaxy. on Galaxy. classique à l'instant avec I'm Ready. Il nous reste un quart d'heure à passer ensemble. Vous écoutez Partiateur depuis 10h jusqu'à midi. On poursuit avec Céléda. Moving, then you can solve it. remix House de Nirvana. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble. Tout à l'heure, c'est ADN que vous retrouverez aux alentours de midi pour une session House. Mais voici tout de suite, en souvenir, le Home Andy avec O Superman. Excellent, c'est du bonheur, Mandy, avec le haut Superman.